الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد chers frères et sœurs, nous reprenons la lecture du livre intitulé Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, dans lequel il a réfuté nombre d'ambiguïtés avancées par les adeptes du polythéisme. Nous avons vu dans le dernier cours l'importance pour le croyant de s'armer de science afin de faire face aux ennemis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assignés aux prophètes et à leurs suiveurs. Et nous avons vu que celui qui s'arme de science, qui emprunte cette voie en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala et en ayant acquis des connaissances et une science lui permettant de rejeter les ambiguïtés des gens de l'égarement, alors nulle crainte à lui sur ce chemin. Et nous avons vu que la peur, elle est sur celui qui emprunte cette voie désarmé, c'est-à-dire qui emprunte cette voie ignorant, sans prendre avec lui la science nécessaire qui lui permettra de se préserver et de défendre sa religion. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne la plus grande arme, l'arme la plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, qui est son noble livre. Et il a dit, وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce de son livre. الَّذِي جَعَلَهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce de son livre et il en a fait un exposé explicite de toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne annonce pour les muslimines, pour les musulmans, ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce de ce livre et il en a fait un exposé explicite pour tout ce dont les gens ont besoin. Et le Coran, il nous expose les choses de deux manières. Soit il nous expose les choses de manière explicite et précise, comme par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ والدم ولحم الخنزير. Il vous a été interdit la bête morte, le sang et la chair de porc. Ceci est un exposé explicite de ces choses qui sont interdites. Et les versets en ce sens sont nombreux dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième manière d'exposer les choses que l'on trouve dans le Coran, c'est un exposé par indication de l'endroit où on trouvera l'explication de la chose. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que certaines choses ne sont pas mentionnées de manière précise et explicite dans le Coran, mais on trouve dans le Coran le moyen de trouver l'explication de cette chose. Et ça, c'est important à comprendre. Car il y a des gens parmi les ennemis de cette religion qui vont prendre ce verset pour se railler des musulmans et dire telle ou telle chose n'est pas mentionnée dans le Coran. Alors que Allah dit dans celui-ci que le Coran est un exposé explicite de toutes choses, de manière générale. Et la réponse est que certaines choses sont exposées par indication. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il est celui qui a fait descendre sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-kitab wal-hikmah, le livre et la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est al-sunnah, la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a ordonné dans son livre de lui obéir et d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, certaines choses ne se trouvent pas mentionnées textuellement dans le Coran, mais elles sont mentionnées dans la sunnah. Et le Coran nous a indiqué cela. Il nous a indiqué le retour à la sunnah, al-hikmah, et l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc indiqué la voie à suivre lorsqu'on ne sait pas une chose, qui est de revenir à ses spécialistes, à ceux qui ont la science à ce sujet. Le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, mentionne ici une anecdote à ce sujet. Et il dit qu'un jour, un savant se trouvait dans un restaurant et que dans ce restaurant, il s'est fait interpeller par un chrétien qui lui a mentionné ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du Coran un exposé explicite de toute chose. Il lui a dit, étant donné que le Coran est un exposé explicite de toute chose, dis-moi dans le Coran où se trouve la recette de ce plat qui est devant toi. Il a voulu se railler de ce savant. Mais le savant lui a répondu d'une manière très simple. Et il a fait venir le cuisinier ou le dirigeant de ce restaurant. Et il lui a dit, décris-nous la manière de faire cette nourriture. Et ce qui a été fait. Après qu'il lui ait décrit, ce savant dit alors, et c'est comme cela dans le Coran. Alors le chrétien fut surpris. Et le savant de lui dire, effectivement, Allah dans le Coran nous a dit, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. C'est-à-dire interrogez les gens qui ont la science à ce sujet. Et celui qui a la science au sujet de ce repas, c'est le cuisinier. Donc le Coran nous a indiqué comment savoir cela. Et il laissa donc ce chrétien sans réponse. Et vous voyez la manière simple qu'ont les gens de science de répondre aux ambiguïtés et aux objections des contradicteurs, des gens de l'islam ou des gens de la sunnah. Donc ce verset, il nous indique la clé de la science. Comment savoir une chose que tu ignores? Tu interroges celui qui a la science à ce sujet. Quoi qu'il en soit, on retient ici que le Coran est un exposé explicite de toute chose, soit de manière textuelle, mentionné de manière précise, soit par indication. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « فَلَا يَأْتِي صَاحِبُ بَاطِلٍ بِحُجَّةٍ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ مَا يَنْقُضُهَا وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَهَا » Et aucun partisan du faux ne vient avec un argument sans qu'on ne trouve dans le Coran ce qui l'annule et ce qui démontre sa fausseté. Notez bien cela car c'est une règle importante. Nul ne vient avec un argument pour soutenir le faux sans qu'il n'y ait dans le Coran ce qui annule cet argument et démontre sa fausseté. Mais est-ce que cela apparaît à tout le monde? Al-Allama al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit « Toutefois, ceci n'apparaît qu'avec la connaissance du Coran, en s'instruisant à son sujet et en l'étudiant comme il se doit, afin d'en connaître ce qu'il contient comme trésor. » Le Coran, il contient des trésors. Mais tu ne pourras avoir connaissance de ces trésors qu'en t'instruisant au sujet du Coran et en l'étudiant comme il se doit. Ensuite, il dit, hafidhahullah, « Afin d'en connaître ce qu'il contient comme trésor, comme arme et comme protection, par lesquelles nous pouvons faire face et résister face à nos ennemis. » Nous devons donc nous diriger vers le livre d'Allah, le mémoriser, chercher à le comprendre, le réciter, le méditer et le mettre en pratique afin de se parer de cette arme. Quant au fait que le Coran soit présent auprès de nous, sans qu'on ne prenne soin de celui-ci et sans qu'on ne l'étudie, alors ceci n'est pas suffisant. En effet, les gens du livre se sont égarés et ont mécru alors qu'ils avaient auprès d'eux la Torah et l'Évangile, lorsqu'ils ont délaissé leur apprentissage et la mise en pratique de ces deux livres. Fin de citation de la parole du Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc il nous dit que cela est présent dans le Coran, mais tu ne pourras le connaître qu'en étudiant le Coran, qu'en cherchant à comprendre le Coran, qu'en donnant de l'importance à ce livre. Donc ceci nous encourage à faire des efforts à ce sujet. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous mentionne la preuve que on trouve dans le Coran la réponse et ce qui annule l'argument de tout partisan du faux. Il dit, كما قال تعالى, comme Allah a dit, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ, et ils ne t'apporteront aucune parabole, c'est-à-dire aucun argument, aucune ambiguïté, quelle qu'elle soit. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, sans que nous ne t'apportions la vérité et la meilleure interprétation. Donc le Coran à lui seul, il suffit pour réfuter toute fausseté, quelle qu'elle soit. Mais ce qui va faire la différence entre les gens, c'est la force de leur compréhension de ce livre et l'intérêt qu'ils lui portent. Ensuite il dit, rahimahullah, « قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ » Certains savants du tafsir, des mufassirines, les exégètes du Coran, ont dit à ce sujet, « هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. Ce verset est général et concerne tout argument que pourraient amener les gens du faux jusqu'au jour de la résurrection. Subhanallah. Le Coran, il contient la réponse à toute fausseté, quelle qu'elle soit. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a mentionné dans certains de ses écrits cette noble règle qu'il faut retenir, qui est que tout ce que les gens du faux prennent pour argument parmi les preuves religieuses ou les preuves rationnelles, en réalité celles-ci démontrent la vérité et ne démontrent pas la parole des gens du faux. Je répète cette règle afin qu'on la retienne. Tout ce que prennent pour argument les gens du faux, parmi les preuves religieuses, c'est-à-dire les textes du Coran et de la Sunna, ou les preuves rationnelles, même ce qui est lié à la raison, celles-ci, ces preuves, elles démontrent la vérité et elles ne démontrent pas la parole des gens du faux. Et nul n'ignore qu'une preuve authentique ne peut indiquer que la vérité et ne peut indiquer le faux. Une preuve authentique ne peut indiquer que la vérité et ne peut indiquer le faux. Donc le Cheikh, rahimahullah, il nous a exposé cette règle d'une grande importance ici, avant de commencer à mentionner les ambiguïtés des adeptes du polythéisme. Car à partir de maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce livre, dans laquelle le Cheikh, jusqu'à la fin, il va répondre aux ambiguïtés qu'ont avancé les gens qui se sont opposés à son prêche. Et il va répondre à leurs ambiguïtés avec les textes du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dissiper leurs ambiguïtés. Et comme je l'avais mentionné dans le premier cours, il va d'abord mentionner une réponse générale à leurs ambiguïtés. Une réponse qui peut servir pour toute ambiguïté qu'il pourrait avancer et présenter. Et ensuite, il va mentionner leurs ambiguïtés une à une et répondre à celles-ci avec les textes du Coran et de la Sunna. Il dit donc, rahimahullah, وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ جَوَابًا لِكَلَامٍ يَحْتَجَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا عَلَيْنَا. Et je vais te mentionner des choses parmi ce qu'a mentionné Allah dans son livre en réponse aux paroles prises pour argument contre nous par les polythéistes à notre époque. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il rentre ici dans le vif du sujet de ce livre. Il nous a mentionné ce que l'on a lu dans les cours précédents, une introduction afin de nous donner des bases solides nous permettant de comprendre le sujet, que l'on distingue bien entre la religion des messagers alayhim salatu wassalam et la religion des polythéistes. Car les ambiguïtés des polythéistes, elles sont basées sur le fait qu'ils ne comprennent pas la différence entre ces deux choses. Il ne faut pas la distinction entre la religion des messagers alayhim salatu wassalam et la religion sur laquelle étaient les polythéistes vers lesquels ils ont été envoyés. Ils ne savent pas quel est le tawhid auquel ont appelé les prophètes et les messagers alayhim salatu wassalam. Donc c'est pour cela qu'il nous a mentionné cette longue introduction, afin de nous donner des bases solides et des éléments qui vont nous permettre de comprendre clairement la fausseté des ambiguïtés que les polythéistes ont avancées. Donc il rentre dans le vif du sujet ici, et nous dit qu'il va mentionner des choses tirées du livre d'Allah, afin de répondre à ceux qui se sont opposés à son prêche, rahimahullah ta'ala. Il commence donc en disant, فَنَقُولْ جَوَابُ أَهْلِ الْبَاطِلِ مِنْ تَرِقَيْنِ. Nous disons donc, la réponse aux gens du faux a lieu de deux manières, مُجْمَلٌ وَمُفَصَّلٌ. Une manière globale, c'est-à-dire une manière qui va être appropriée pour répondre à toute ambiguïté, et une manière détaillée, c'est-à-dire la réponse précise à chaque ambiguïté. Et aujourd'hui, nous allons voir, inshallah ta'ala, la réponse globale. Cette réponse qui peut servir pour répondre et réfuter toute ambiguïté présentée par les adeptes du polythéisme. Il dit, أَمَّا الْمُجْمَلُ. Quant à la réponse globale, الْجَوَابَ الْمُجْمَلُ. فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. C'est cette chose immense et ce grand bénéfice pour celui qui le comprend. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ici une preuve nous permettant de répondre à toute ambiguïté. Mais cette preuve, il faut la comprendre. Et vous allez voir, quand on va la mentionner, que nombre d'entre nous la connaissent. On lit ce verset, on l'a certainement tous déjà entendu, mais sans se rendre compte de la portée immense de ce verset, qui est une réponse à toute ambiguïté avancée par les gens du faux à toute époque et en tout lieu. Il dit, rahimahullah, وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et cette réponse, c'est la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Ali Imran. هو الذي أنزل عليك الكتاب. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran. منه آيات محكمات. Il s'y trouve des versets sans équivoque. هن أم الكتاب, qui sont la base du livre. وأخر متشابهات. Et d'autres peuvent prêter à interprétations diverses. Donc dans ce verset, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement mentionné qu'il y a dans son livre des versets que l'on appelle al-ayat al-muhkamat, des versets sans équivoque, et des autres qui sont mutashabihat, qui peuvent prêter à diverses interprétations. Donc al-muhkam, ce qui est sans équivoque, c'est ce qui n'a pas besoin d'autre que lui pour être expliqué. Lorsqu'on dit qu'un texte est sans équivoque, c'est qu'on n'a pas besoin d'autres textes du Coran ou de la Sunna pour le comprendre et l'expliquer. Et al-mutashabih, ce qui prête à diverses interprétations, c'est celui qui a besoin d'autre que lui pour en comprendre l'essence. Donc on leur renvoie au muhkam, on leur renvoie au texte qui est sans équivoque. Et c'est ce qu'a mentionné l'Amin al-Shaykh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans son explication à cet endroit. Donc les versets sans équivoque, il t'incombe trois choses à leur sujet. La première est d'avoir foi en ces versets, et qu'ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième est d'en connaître l'essence, et la troisième est de les mettre en pratique. C'est cela qui t'incombe vis-à-vis des versets sans équivoque. Al-ayat al-muhkamat. Et ceux-là, ils sont la base du livre. C'est-à-dire que, en cas de doute, en cas d'incompréhension au sujet d'un texte, on va revenir à ces textes et à ces versets muhkamat, ces versets sans équivoque. Ensuite, concernant les versets al-ayat al-mutashabihat, qui prêtent à diverses interprétations, ceux dont ce qu'ils démontrent n'apparaît pas clairement comme dans les textes sans équivoque. Alors, il nous incombe deux choses à leur sujet. La première est d'avoir foi en ces versets, et d'avoir foi au fait qu'ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il les a révélés pour que on ait foi en ces versets. Et la deuxième, c'est que l'on n'interprète pas ces versets par ce qui s'oppose à ce qui est mentionné dans les textes sans équivoque. Mais on les renvoie aux textes sans équivoque. Et on va comprendre à travers les exemples que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. Quoi qu'il en soit, retenez bien cette chose, qu'il y a des textes qui sont clairs et sans équivoque, et d'autres qui peuvent prêter à diverses interprétations. Et pour savoir laquelle de ces interprétations est la bonne, nous devons revenir aux textes qui sont sans équivoque. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, « فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٍ » Quant à ceux qui ont au cœur un penchant, une inclination vers l'égarement, ceux qui ont une déviance dans leur cœur, ils penchent vers le faux, vers l'égarement. Qu'est-ce qu'ils font ? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ils suivent les versets à équivoque, ils mettent l'accent sur les versets à équivoque. Et ils délaissent les versets sans équivoque. Ils délaissent ce qui est clair, car ce qui est clair démontre clairement la fausseté de ce sur quoi ils sont. Et cela les dévoile. Donc ils vont mettre l'accent sur les versets à équivoque. Et l'ignorant, lorsqu'il les écoute, ou lorsqu'il les lit, il se laisse tromper. Pourquoi ? Car il voit qu'ils ont mentionné des versets du livre d'Allah. Il dit oui, mais quand même, il ne parle pas sans science, il a mentionné des versets du Coran. Et c'est cela que l'on retrouve chez l'ensemble des gens de l'innovation et de l'égarement. Ils vont toujours mentionner des choses qui prêtent à équivoque. Et ils vont délaisser les choses claires qui ne prêtent pas à équivoque, en raison de leur penchant et de leur inclination pour l'égarement. Tandis que les gens de la droiture, ceux qui ont été bien guidés, ils suivent les textes sans équivoque. Et ils renvoient les textes prêtant à diverses interprétations aux versets sans équivoque. Contrairement à ce que font ceux qui ont un penchant pour l'égarement ou l'ayadu billah. Et pourquoi les gens du faux agissent de cette manière ? Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a clairement mentionné dans son livre. Dans la suite de ce verset, il dit qu'ils suivent ceux qui prêtent à diverses interprétations. Pourquoi ? Ibtira al-fitna, cherchant la fitna, la dissension, cherchant à tromper les gens, cherchant à leur inspirer le doute, cherchant à les égarer. Ils trompent les gens en leur faisant croire qu'ils ont des preuves tirées du Coran. Wabtira at-ta'wili, et essayant de leur trouver une interprétation. C'est-à-dire qu'ils prennent ces textes qui peuvent prêter à diverses interprétations et essaient de leur donner une interprétation qui correspond à leurs idéologies déviantes et à leurs idées et croyances erronées. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il nous mentionne la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet, il dit « وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ قَالْ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Il a été authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Si vous voyez ceux qui suivent, ceux qui mettent l'accent sur les versets à équivoque, alors ceux-là sont ceux qu'Allah a nommés, c'est-à-dire dans le verset d'Ali Imran, prenez garde à eux, prenez garde à eux, prenez garde à ceux qui suivent cette voie, prenez garde à ceux qu'ils ne vous trompent pas et vous égarent de la droiture dans votre religion. » Donc il y a en cela une mise en garde claire et explicite contre les savants et les prédicateurs à l'égarement et contre tout innovateur qui pourrait chercher à nous tromper en donnant de fausses interprétations à certains versets et certains hadiths pouvant prêter à équivoque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met clairement en garde contre cette voie et contre les adeptes de cette voie, afin qu'ils ne nous égarent pas de la voie de la vérité comme eux se sont égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre cela car le fait de se mélanger à eux, de les fréquenter, de les lire ou de les écouter, c'est une maladie très dangereuse et un poison pour les cœurs. Tu dois être conscient de cela et prendre garde à cela, notamment aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux. Nombre de nos frères et sœurs ont du laxisme à ce sujet et ils ne font pas le tri dans ce qu'ils lisent et dans ce qu'ils écoutent. Et on les voit naviguer sur différents sites et différents réseaux et suivre une multitude de comptes et de chaînes et de personnes sans différencier entre les gens, sans même savoir parfois qui sont ceux qu'ils écoutent et qui sont ceux qu'ils lisent. Et ils passent d'une vidéo à une autre, d'un audio à un autre, d'un article à un autre, se mettant ainsi en danger en lisant de nombreuses ambiguïtés à longueur de journée. Et ces ambiguïtés, elles sont captivantes. Et lorsqu'elles pénètrent les cœurs, il est difficile de les en faire sortir. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la confusion, qui sont toujours indécis, qui ne sont pas fermes, qui sont parfois perdus, car ils ne font pas le tri et ils ne font pas attention à ce qu'ils écoutent et ce qu'ils lisent. Donc nul parmi nous ne doit se sentir à l'abri. Nul parmi nous ne doit se dire « c'est bon, je connais la vérité, alhamdoulilah, je suis à l'abri ». Non, tu dois t'écarter des gens qui ont un penchant pour l'égarement. Tu dois t'éloigner d'eux, même si tu es sur la vérité, comme le faisaient nos pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, qui s'écartaient des gens du faux, des gens des passions, et des gens de l'innovation, et refusaient d'écouter d'eux, ne serait-ce qu'une seule parole. Donc éloigne-toi de ces gens, et éloigne-toi de leurs chaînes sur YouTube ou autre, éloigne-toi de leurs comptes sur les réseaux sociaux, et ne suis que les partisans de la sunna, et ceux parmi eux qui ont la science, qui ont étudié auprès des gens de science, ceux en qui tu as confiance concernant leur science et leur religiosité. Et ne suis pas n'importe quel inconnu, ni le premier venu ou une personne dont tu ignores la situation, Allah al-Musta'an. Car les gens du faux, tu dois savoir qu'ils font de grands efforts pour nous écarter de la vérité. Et ils propagent différentes ambiguïtés qui pénètrent les cœurs et dont les cœurs ont du mal à se débarrasser et se délivrer par la suite. Et ils sont plus nuisibles, les gens de l'innovation, ils sont plus nuisibles que les pervers parmi les gens des péchés. Car celui qui fait un péché généralement, quelque chose lié aux désirs interdits, il sait qu'il est dans l'erreur. Il sait qu'il fait une chose interdite. Et même s'il tarde à se repentir, il a bien souvent cette idée en tête. Tandis que celui qui est sur l'innovation, il croit être sur la vérité. Il pense être sur une bonne voie alors qu'il est sur l'égarement. Donc, il ne se remet pas en question et ne pense pas à se repentir. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, après nous avoir exposé cette règle générale, il va nous donner un exemple afin qu'on comprenne comment répondre à partir de cela à toute ambiguïté. Il dit, مثال ذلك, l'exemple de cela. إذا قال لك بعض المشركين, si certains polythéistes te disent, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Il te mentionne ce verset de Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Il mentionne ce verset pour justifier le fait qu'ils invoquent ce qu'ils appellent saint, ce qu'ils appellent wali, ce qu'ils appellent sidi, ce qu'ils appellent lala, et ainsi de suite. Il mentionne ce verset pour justifier le shirk. Ils disent, ceux-là sont les alliés d'Allah. Ils sont proches d'Allah. Et ils prétendent que, étant donné qu'ils sont proches d'Allah, ils sont dignes d'être invoqués en dehors d'Allah. Wal'iyadu billah. Donc le shirk, il te dit, s'il te mentionne ce verset pour justifier cela. Aw, anna shafa'ata haqq. Ou alors ils te disent que l'intercession est vérité. Et cela est réel, l'intercession est vérité. Elle est démontrée par les textes du Coran et de la Sunna. Mais ce qui est visé par l'intercession dans les textes du Coran et de la Sunna, ce n'est pas ce que visent les polythéistes. Donc bien qu'elle soit vérité, elle ne justifie pas l'invocation des morts, l'invocation des saints et ainsi de suite. Comme ils le font lorsqu'ils disent « Oh, un tel ishfa'ali » ou lorsqu'ils disent « Ash-shafa'a ya Rasulallah » l'intercession au messager d'Allah. Cela ne justifie en rien cela. L'intercession est vérité, comme on va le voir, mais cela ne justifie pas d'invoquer les morts. Ou anna al-anbiya lahum ja'un 'indallah. Ou alors il va te dire que les prophètes ont une renommée, un rang élevé auprès d'Allah. Et ceci également est une vérité. Mais cela ne justifie pas de les invoquer en dehors d'Allah. Ensuite il dit, rahimahullah, وذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله. Ou alors il va mentionner certaines paroles du prophète صلى الله عليه وسلم s'appuyant sur cela pour justifier une des faussetés sur lesquelles il est. وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. Et toi tu ne comprends pas le sens de la parole qu'il a mentionné. C'est-à-dire tu ne comprends pas de la parole qu'il a mentionné. Ce que lui, il vise comme fausseté. Tu ne comprends pas ce que lui, il comprend. Lorsque tu écoutes le verset de Surat Yunus, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Est-ce que tu comprends de ce verset que l'on doit les invoquer en dehors d'Allah? Non. Lorsque tu entends les textes sur l'intercession, est-ce que tu comprends que l'on doit invoquer des créatures faibles pour leur demander d'intercéder en notre faveur? Et ainsi de suite. Donc tu ne comprends pas ce que lui, il comprend. Ensuite, le shaykh, rahimahullah, il te dit comment répondre. فَجَوِبْهُ بِقَوْلِكِ. Réponds-lui en lui disant. إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ يَتْرُكُونَ الْمُحْكَمْ وَيَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِهِ. Allah a mentionné dans son livre que ceux qui ont dans leur cœur un penchant, une inclination pour l'égarement, ils délaissent les textes équivoques et ils mettent l'accent sur les versets qui prêtent à diverses interprétations. Ils ont un penchant pour cela. Ils mentionnent ce verset de Surat Yunus que l'on vient de mentionner, ils délaissent les paroles claires dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala interdit d'invoquer autre que lui. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez personne avec Allah. C'est un verset sans équivoque. N'invoquez personne avec Allah. وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرٍ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque avec Allah un autre Dieu, une autre divinité, au sujet de laquelle il n'a aucune preuve, alors son jugement revient à Allah. Et certes, les mécréants ne réussissent pas. Ceci est un verset sans équivoque, qui démontre clairement qu'il n'est pas permis d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi revenir à des versets qui prêtent à diverses interprétations et qui ne démontrent pas ce que le polythéiste veut soutenir. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, dit, et répond lui aussi par ce que j'ai mentionné auparavant. وَمَا ذَكَرْتُهُ لَكْ min anna al-mushrikin yuqirruna bil-rububiyya. Et tu lui mentionnes que les polythéistes, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Wa annahu kaffarahum bita'alluqihim 'ala al-mala'ika wal-anbiya wal-awliya. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a déclarés mécréants en raison de leur rattachement aux anges, aux prophètes et aux alliés, aux wali. Ma'a qawlihim ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Malgré qu'ils disaient, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Aussi, ils cherchaient l'intercession, les premiers polythéistes. Pourtant, ils reconnaissaient qu'Allah était le seul créateur. Et ils disaient même, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous ne les adorons, c'est-à-dire ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Le Cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit, هَذَا أَمْرٌ مُحْكَمْ بَيِّنْ. Ceci est une chose sans équivoque, clair, explicite. La yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nah. Nul ne peut en changer le sens. Ensuite, il continue de te mentionner la réponse à donner au polythéiste. Wa ma dhakartahu li ayyuha al-mushrik. Et ce que tu m'as mentionné, ô toi le polythéiste, min al-Qur'an, tiré du Qur'an, le verset de Surat Yunus, au kalam in-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant l'intercession par exemple. La a'rifu ma'na. Je n'en connais pas le sens, c'est-à-dire, je n'en connais pas ce que tu essayes de me faire croire et de m'avancer, comme idée erronée. Ce que tu essayes de démontrer par ces textes, je ne le comprends pas moi de ces textes. Ensuite il dit, لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. Mais j'ai la certitude que les paroles d'Allah ne se contredisent pas. وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut en aucun cas contredire la parole d'Allah azza wa jal. Telle est la manière de répondre au polythéiste. Même si tu ne comprends pas l'argument qu'il t'avance, même si tu n'es pas capable de lui donner une réponse précise à l'argument qu'il a exposé, tu peux lui répondre tout simplement cela. Ce texte prête à diverses interprétations et ce que tu essayes d'avancer, j'ai des textes sans équivoque démontrant la fausseté de ce que tu prétends. Et j'ai la certitude que les paroles d'Allah ne se contredisent pas et que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne contredisent pas les paroles d'Allah. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ » Et ceci est une réponse bonne et appropriée. « وَلَكِنْ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَ فَلَا تَسْتَهِنْ بِهِ » Toutefois, cette réponse n'est comprise que par celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la réussite. Alors, ne méprise pas cette réponse, car c'est un fondement important qui te permettra de réfuter toute ambiguïté quelle qu'elle soit. فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Il nous dit comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens, ce privilège, le fait de pouvoir repousser le faux de la meilleure manière, il n'est accordé qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Donc en résumé, la réponse générale de toute ambiguïté présentée par les polythéistes, elle repose sur trois points. Le premier, c'est l'exposé que ceux qui ont un penchant pour l'égarement, ils délaissent les textes sans équivoque et ils mettent l'accent sur les textes prétends à diverses interprétations. Le deuxième point, c'est de savoir que les premiers polythéistes, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah et ne s'opposaient pas à cela. Nul parmi eux n'a prétendu que leur divinité créait avec Allah ou donnait la subsistance avec Allah ou autre chose semblable. Et cela est semblable au polythéisme commis à notre époque par les adorateurs de tombes et de mausolées. Et le troisième point, c'est que il y a des textes clairs, sans équivoque, dans le Coran et dans la Sunnah qui démontrent la fausseté de ce que prétend le polythéiste. Comme les versets que l'on a mentionnés, où Allah subhanahu wa ta'ala interdit clairement d'invoquer autre que lui. Et tu dois avoir la certitude que quel que soit le verset qu'il te mentionne et quel que soit le hadith qu'il te mentionne, il ne peut en aucun cas s'opposer à ces textes clairs et sans équivoque. Ceci est donc la réponse générale à toute ambiguïté que l'auteur rahimahullah ta'ala nous a mentionné ici, et à partir du cours de demain,